dévoilement en fonction des différents types de médias et également en fonction donc, de ce que ces types de médias vont demander à l'internaute. Donc dans quelle mesure en fait la participation aux médias va faire en sorte qu'on va être appelé à davantage en raconter ou en montrer sur soi, à partager des anecdotes tout de l'ordre de l'intime, ou au contraire à être dans une utilisation du média qui est beaucoup plus public dans son sens de beaucoup plus lisse et beaucoup moins exigeante en fait en termes de partage de soi de la part de l'usager. Donc ce tableau là on va l'utiliser également pour les exercices de la semaine prochaine, donc il nous servira un peu de base pour les discussions. On va y revenir à partir d'un cas concret mercredi. Ici, la notion de panoptique, on l'avait vu la semaine dernière aussi pour boucler le cours. Donc, est-ce que tout le monde se rappelle ce à quoi ça fait allusion? Si vous pouvez demander à quelqu'un de résumer en quoi ça consiste ou ce que cela évoque par rapport au monde numérique ou à l'environnement numérique. Un volontaire, une volontaire. C'était le fait un peu d'espionner, d'épier les gens en étant caché par rapport au, enfin, de regarder les profils des gens, s'abonner pour alors, voir. Ce à quoi vous faites allusion, on peut le rapprocher un peu du panoptique, mais ça fait plus référence à ce qu'on appelle le lurking. On a vu à la fin du cours, et qui notamment en fait est une pratique que souvent on va. Un terme qu'on va utiliser pour faire référence à la pratique de certaines institutions, de certaines personnes, notamment dans des préoccupations d'espionnage, en fait, un petit peu, de ce que font les concurrents, de ce que fait un autre candidat, etc. Donc ça, c'est plutôt le lurking, qui est une forme à connotation plutôt péjorative. Et si on parle de l'idée de panoptique, qui est effectivement peut-être liée à cette pratique-là, mais qui a une autre dimension. Vous partez de la photo ici présente. Oui, madame. Si, en fait, si on parle de la photo, c'était une illustration d'une prison où une tour a été construite au milieu pour avoir le contrôle sur pour suivre les mouvements des prisonniers. Et si on ramène cela à les réseaux sociaux numériques, on va dire que la dimension panoptique est en fait le contrôle que les fournisseurs des réseaux sociaux ont sur les utilisateurs. Donc, le contrôle que les fournisseurs des réseaux auraient sur les utilisateurs. Moi, je pense simplement dire une vue à 360 degrés. En fait, oui. Donc ici, vu au-dessus d'eux, vu à 360, contrôle de la part des fournisseurs sur les utilisateurs. En fait, l'idée de panoptique, effectivement, elle est liée à une capacité de conseil et de contrôle, mais surtout plutôt à la capacité de voir en même temps, d'avoir un accès, en fait, une visibilité possible de plusieurs personnes à partir d'un même point. Même point d'usage, mais à partir d'une même personne, par exemple, peut avoir potentiellement un accès à la visibilité d'une communauté ou d'un ensemble en fait, de communautés. Donc oui, il y a potentiellement cette idée de contrôle possible. Et effectivement, si on se place du côté des fournisseurs d'accès par rapport aux utilisateurs, on peut dire qu'à ce moment-là, il y a une vue aussi dessus, si on est dans un rapport de contrôle, effectivement, on est plutôt dans des rapports qu'on va penser en termes de pouvoir ou de domination. Et donc, ce qu'il faut que vous pensiez, c'est cette capacité que donne le numérique, et en particulier les réseaux sociaux numériques, les médias sociaux numériques dont on avait parlé la semaine dernière, de donc vous donner l'accès à vous, à de l'information, et de l'information de différents niveaux, plus ou moins intimes, etc., sur une multitude d'autres usagers parce qu'il y a la présence de profils, etc., mais aussi de traces numériques qui se sont accumulées sur les différents usagers du numérique en général. Et par rapport à l'idée de dévoilement aussi de soi, oui, les traces laissées, elles sont laissées par les usagers des réseaux sociaux, en fait. Oui. C'est en fait des réseaux sociaux, mais on peut penser aussi aux traces laissées, par exemple, d'un CV en ligne. Vous travaillez dans une entreprise à un moment donné, et il y a un organigramme sur le site web, et vous avez votre CV en ligne, ou votre photo, etc. Mais quand vous quittez l'entreprise, la page peut rester référencée un certain nombre de temps. Ça forme une trace où vous avez partagé des photos de vacances sur un blog à un moment donné, quand vous étiez adolescent, etc. Tout ça, en fait, ce sont des... où vous avez inscrit votre adresse dans les pages blogs, les pages blanches, la poste quelque part. Tout ça, ce sont des données, des traces, en fait, qui restent sur vous, qui s'accumulent et qui sont potentiellement visibles par les autres utilisateurs. Et aujourd'hui, donc le texte dont on va parler pour commencer, c'est celui de Tannenberger. Vous aviez aussi à lire le texte de Bruno Cardon sur le parler privé. Une des choses qui, une des expressions en fait, qui caractérise bien ou qui peut bien illustrer ce fonctionnement, mesdemoiselles en haut, le fonctionnement des médias sociaux dont on a parlé la semaine dernière, c'est cette idée de clair-obscur, donc de à la fois avoir un accès à des données sur vos individus et en même temps d'avoir des aspects aussi de ces individus-là et donc de nous-mêmes aussi que l'on peut potentiellement laisser en retrait. Donc il y a toujours une sorte de négociation ou d'articulation entre des zones qui sont plutôt dévoilées et des zones qui sont plutôt mises dans l'ombre, qui ne sont pas mises en avant. On va y venir aussi dans l'exercice de mercredi. Donc vous aviez à lire pour aujourd'hui le texte de Peter Eisenberger sur le processus identitaire et l'ordre de l'interaction sur les réseaux sociaux numériques. Donc dans ce texte-là, il y a une entrée en matière plus sur l'augmentation en fait, de l'utilisation des réseaux sociaux. Il y a également toute une partie sur les approches théoriques dont les auteurs s'inspirent et qui vont alimenter en fait leur analyse de l'interaction, de la construction, du processus en fait de construction identitaire. Donc par rapport à ce texte-là, il y avait notamment un auteur que Stanger est pourtant mentionné. Est-ce que vous vous rappelez qui il est ? Goffman. Donc, Goffman, les idées clés par rapport à ce que les auteurs mettaient en avant de sa pensée. La négociation de la face, oui. Donc, il consistait, si on veut un petit peu expliciter sur en quoi ça consiste. Négociation de la face, elle se fait dans quel objectif ? D'après vous ou vos collègues ? Ça dépend de l'étude, mais il y a un objectif de reconnaissance. Oui. Un objectif de reconnaissance, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres idées clés ? Sur l'utilisation de Goffman dans ce texte. La notion de l'ordre de l'interaction. Oui, que, la notion donc, de l'ordre de l'interaction, que vous définiriez comment bah, c'est, Lui, ben, quand il parle de ça, lui, c'est dans le monde réel, entre guillemets, entre nous. Il y a une certaine façon de rentrer en contact avec les autres. Et il remarque que sur les réseaux sociaux, il y a d'une certaine manière, c'est un peu le même ordre d'interaction avec certaines différences quand même. Je ne sais plus préciser. Il y aurait des ressemblances entre les façons de rentrer en contact entre les individus, entre les groupes, dans le milieu numérique, sur les médias sociaux en tout cas, sur les réseaux sociaux en particulier, qui ressembleraient au hors ligne, mais qui ne seraient pas exactement, qui auraient certaines spécificités aussi. Si on parle de construction d'identité numérique, effectivement, il y a, Goffman en fait, est un auteur qui est souvent repris, mais qui est souvent repris en fait de manière large quand on s'intéresse aux interactions, aux dimensions interactionnelles, dans lesquelles un individu, un groupe, une entité, va tenter en fait de construire une face, justement, une présentation de soi qui va lui être favorable et qui va surtout aussi correspondre à ce qu'il anticipe comme attente des personnes qui vont le voir, qui vont avoir accès à lui. Donc il y a cette notion de mise en scène de soi qui correspond donc on est ici, si on pense à une réflexion rhétorique sur le plan de l'éthos, de la présentation de soi, de la façon dont on va négocier sa figure publique par rapport à ce qu'on pense que les autres attendent de nous. Donc il va faire en sorte qu'on va poster tel type de photo, si on pense que c'est plutôt nos amis qui regardent notre profil, ou que si on pense qu'on est sur une plateforme plutôt destinée à un environnement professionnel, si on est sur LinkedIn ou on est dans un réseau plutôt de collaboration en ligne d'ordre professionnel, à ce moment-là, on va poster des choses qui montrent qu'on est spécialisé dans tel domaine, on est plutôt sérieux, plutôt créatif, etc. Mais on va faire des choix de ce que l'on montre en fonction donc d'une certaine anticipation de ce que les autres veulent voir de nous. Et on va essayer donc de s'ajuster, de s'adapter à la situation de communication dans laquelle on est. Cette notion de mise en scène, elle est par rapport à la réflexion sur les réseaux sociaux numériques en particulier, parallèle à en même temps une injonction de visibilité, c'est-à-dire une forme d'exigence, d'impératif à être visible, à avoir une existence numérique, une existence tangible. Par exemple, en communication, on va généralement encourager très fortement les étudiants à se créer un profil LinkedIn. On va également vous encourager à utiliser par exemple Twitter, surtout si vous êtes plutôt du côté de la formation, mais aussi par exemple si vous vous intéressez aux relations publiques. Bref, on va vous encourager en fait à aller créer un compte, donc potentiellement une nouvelle identité, du moins à vous présenter sur certaines plateformes numériques particulières. Et ça, donc, ça va être. Ça, c'est une injonction au sens qu'il y a une forme en fait, d'encouragement ou d'impératif social à être présent en ligne, à être présent numériquement. On peut aussi, si on pense un peu plus au monde de l'entreprise par exemple, revenir un peu plus en arrière dans le temps, avant même que les réseaux sociaux numériques ou les médias sociaux plutôt dans leur ensemble se développent. L'existence par exemple d'un site web ou la fondation d'un site web par une entreprise n'allait pas forcément de soi selon les secteurs d'activité. Mais comme au bout d'un moment, tout le monde s'est mis à être en ligne, et donc que les consommateurs s'attendaient à trouver l'information en ligne, les entreprises, de plus en plus systématiquement, se sont mis à avoir un minimum de site internet, donc un minimum d'existence numérique, pour pouvoir être accessible et pour pouvoir répondre aux besoins qu'elles anticipaient de la part des consommateurs. Cette injonction de visibilité, elle va de pair avec une réflexion qu'on peut faire, ou un lien qu'on peut faire avec ce que Deboer appelait la société du spectacle, dont vous avez donc un documentaire à visionner pour le cours de la semaine prochaine, qui est le lien du documentaire est en ligne, déjà dans l'idée. Donc cette notion de société du spectacle qui est très axée aussi sur une critique de la société de consommation mais qui réfléchit à ses exigences en fait sociales de présentation de soi, de négociation en fait de ce que l'on présente, donc un peu de façon plus critique en fait va qualifier plutôt comme d'artificiel en fait, une représentation artificielle. succès de soi pour répondre à certaines exigences de représentation. Tout cela, donc, peut donner une impression, ou même peut faire réfléchir sur le fait qu'on n'existe que quand on est visible. Donc, on possède une existence, une identité, que si l'on est visible, donc que si l'on se montre. Il participe à, donc, à un renouvellement ou à une perpétuation de l'injonction. Mais ce côté visible, donc être potentiellement accessible, mettons, il y a une photo de nous qui existe, quand on tape notre nom sur Google, il y a au moins une photo de nous qui existe, il y a au moins notre nom qui est cité une fois dans le référencement. Ce visible-là, il n'est pas forcément ressenti comme public, au sens où on ne se représente pas nécessairement en tant qu'entreprise qui a un site sur lequel on met tout ce qu'on fait et on maîtrise en fait tout ce que l'on expose, et c'est juste l'ordre de public en tant que nous-mêmes en tant que marque finalement. Mais ce qui est visible, c'est plus en fait de l'ordre de l'existence. Il faut que je sois visible pour exister. Mais par contre, ce que je partage, je n'ai pas forcément l'impression que ça va être public pour tout le monde. Quand, par exemple, j'ai envoyé mon CV pour être en ligne dans l'organigramme de l'entreprise où je travaillais, je me suis surtout dit que c'était les employés de l'entreprise et certains clients qui allaient avoir accès à cette image parce que c'est eux qui sont potentiellement intéressés par cette information. Mais par contre, cette information est de fait devenue publique puisqu'elle est ensuite référencée et qu'elle reste comme trace numérique du moins un certain temps. Donc en fait, il y a aussi une conception, une différence, une nuance à faire entre la notion de public, de données publiques, données qu'on rend publiques sur soi, et de visibilité de soi dans un environnement numérique. Cette identité numérique, elle est très liée, ou elle fait beaucoup écho à un besoin, ou à ce qu'on qualifie d'un besoin de reconnaissance et de validation sociale. Vous l'avez dit en parlant des objectifs en fait, de négociation de la face pour Goffman. Une des idées sur lesquelles travaillent notamment les chercheurs, ou sur lesquelles on réfléchit sur l'identité numérique, c'est justement ce besoin ou cette préoccupation pour la reconnaissance sociale et aussi donc, le fait qu'on voit que les gens sont conscients, que d'autres usagers sont conscients qu'on a bien une existence numérique parce qu'ils interagissent avec nous, ils partagent ce que l'on poste et potentiellement ils valident ce que l'on publie, ce que l'on partage aussi en mettant des likes ou des sourires ou des pleurs avec la diversité des émoticônes qu'on a maintenant. Et donc, tout ça, ça inclut l'idée qu'il y a un besoin à la fois d'acceptation de la part de différentes communautés, de la part d'autres internautes, mais aussi il y a un besoin ou un encouragement du moins à l'affirmation de soi. Donc, affirmation de soi qui va prendre différentes formes, va être modelé en fonction des différentes plateformes qu'on va utiliser, sur lesquelles on se présente, et en fonction aussi des différents publics potentiels qu'on a identifiés. Encore une fois, si on est sur LinkedIn par exemple et qu'on pense que c'est seulement plutôt des publics professionnels, en fait, de la communication, des potentiels employeurs, de potentiels collègues ou des étudiants qu'on connaît qui viennent voir notre profil, on va plutôt mettre en valeur des travaux de groupe auxquels on a participé, des stages, des contrats, etc. On va mettre plutôt professionnel. Si on est sur Instagram ou Snapchat, on n'est pas du tout forcément dans le même objectif. Et donc, on va sélectionner peut-être un autre format de photo. On va faire plutôt allusion au fait qu'on est passionné de culture des géraniums. Bref, on va en fait mettre de l'avant certaines parties de soi qui nous semblent plus adéquates en fait à la situation de communication numérique dans laquelle on est. Cette construction identitaire progressive qu'on fait dans un environnement numérique, elle fait aussi écho au paradigme de la construction sociale de la réalité. Alors ça, normalement, ça doit résonner par rapport à des cours que vous avez déjà eus dans votre formation en communication. Berger et Buchmann, donc la construction sociale de la réalité, est-ce que ça vous... s'il y en a qui n'avaient jamais vu ce terme. D'accord, ok. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent avoir déjà côtoyé cette notion-là? Qui se rappellent de ce à quoi? Réalité partagée, construire. Est-ce qu'il y a d'autres souvenirs, d'autres personnes qui se rappellent est-ce que vous avez suivi le cours sociologie et médias? Non. Par rapport à la couverture médiatique de certains événements et par rapport au fait que justement l'accès par exemple à l'actualité c'est souvent ce sur quoi c'est un des éléments sur lesquels on va bâtir nos représentations sociales, nos représentations du monde et que comme un événement médiatique est à la base une sélection d'informations qu'on a ensuite mis en forme selon des objets, selon le fait qu'on s'adresse à tel type de lectorat, selon donc telle spécificité, selon le fait qu'on ait un journal plutôt d'information politique ou économique, etc. Information à laquelle on a donné des angles différents. Tout ça, donc, ce sont des construits auxquels ont participé différentes subjectivités, différents acteurs en fait sociaux. Donc, qui font écho, en fait, qui reflètent des attentes qu'on imagine de la part des publics, par exemple, et qui donc, en fait, construction, par exemple, des événements médiatiques, qui font en sorte qu'on se trouve dans une perspective qu'on appelle une construction sociale de la réalité, au sens où notre représentation du monde serait une accumulation et une multiplication d'exposition que l'on a à différents construits. Donc si je discute avec mon voisin, est-ce que j'étais allée trop vite? D'accord. Ok. Alors, on reprend. Donc, si on reprend l'exemple de la construction médiatique d'un événement. Donc un événement, quand on lit par exemple quelque chose sur le scandale Publifine, il y a certains aspects du scandale Publifine qui sont sélectionnés selon les médias en fonction de ce que les médias pensent qui intéresse le plus leur lectorat. Donc des angles plutôt économiques, des angles plus personnels sur les personnes politiques impliquées, des angles sur plutôt l'appartenance de telle personnalité politique impliquée à tel parti, etc. En fonction de l'identité du média et en fonction normalement du public, donc du lectorat, de l'audience qu'elle vise. Donc tout ça fait en sorte qu'il y a une représentation de l'événement qui va prendre telle ou telle coloration, tel ou tel angle en fonction de ce contexte en fait de production et en fonction donc des destinataires auxquels on pense. Tout ça fait en sorte que moi, lecteur, si je lis deux journaux, un journal en ligne, un autre journal, je regarde le journal télévisé, etc., j'ai accès à différents angles ou à différentes représentations de ce qui est devenu l'événement, le scandale Publifine. Tout cela va nourrir, alimenter mes représentations sociales de ce qu'est un scandale politico-financier en Belgique, par exemple, et du coup de ce qu'est la situation de la politique, des enjeux de corruption, etc. Donc tout cela contribue en fait à ma représentation du monde, à ma vision du monde. Lorsque je discute avec quelqu'un qui ne lit pas, par exemple, les mêmes journaux que moi, qui n'a pas regardé le journal télévisé sur la même chaîne, lui avait accès potentiellement à d'autres visions du monde. Et donc, peut-être, dans la discussion, on va se rendre compte que on n'est pas au courant tout à fait des mêmes informations. Certaines informations sont que nous, nous avions vu présenter comme étant certaines, finalement, elles sont peut-être à nuancer, etc. Donc, en fait, dans les échanges, dans les interactions que je vais avoir avec d'autres, je vais être exposée à d'autres représentations du monde et je vais donc continuer à construire, en fait à donner du sens à ce qui m'entoure, à partir aussi donc de ce que les autres se sont représentés. Ça va ? Ce que je vous expose là, c'est un peu de façon schématique, en fait, ce que l'on peut... une illustration de ce paradigme qui est la construction sociale de la réalité, qui est une façon de regarder les interactions, une façon de regarder en fait la communication, les productions notamment de communication, en termes justement de construction progressive et permanente de ce que l'on va nommer réalité. En fait, chacun va avoir, si on est un peu dans un certain relativisme, chacun va avoir une forme différente de la réalité en fonction des différentes constructions auxquelles il aura été exposé et en fonction de ses constructions antérieures, le pays dont je viens, ma classe sociale, les activités que je pratique, mes amis, ma famille, etc. Et vous parliez d'identité partagée à propos de la construction sociale de la réalité. Il y a notamment, et ça va avec cette idée de reconnaissance, de recherche de reconnaissance ou de validation de soi, il y a aussi dans la réflexion sur l'identité numérique l'idée de identité en partage, puisque on est sur des plateformes qui, par essence, en fait, fonctionnent sur du partage. Donc, à ce moment-là, en fait, l'identité que l'on propose va forcément être quelque part démultipliée. Démultiplication, d'identité, est-ce que tu voudrais intervenir peut-être maintenant Oui. Alors justement, cette idée de. Est-ce que tu veux me mettre ici? On improvise un petit peu. Cette idée justement un peu d'identité en partage, d'identité potentiellement démultipliée parce qu'elle va être reçue par certaines personnes, elle va être sur plusieurs plateformes, etc. C'est une idée justement dont que Françoise évoquait un petit peu plus tôt quand on s'est parlé et sur laquelle je pense qu'elle peut vous faire part de certains travaux notamment qui sont réalisés par certains chercheurs qui pourraient venir justement compléter un peu cette vision que je viens de vous présenter. Alors peut-être avant de faire ça, je voudrais juste être un peu franc, comme vous disiez tout à l'heure, monsieur, un peu au-dessus de ce type de questions, juste sur une petite chose. Ce qui fait que nous sommes dans cette situation en tant qu'individus sociaux, donc comme tu l'as souligné, une injonction à être numériquement présent, une injonction à être socialement fort, donc une affirmation de soi. Certains auteurs, avec lesquels je m'entends très bien intellectuellement parlant, considèrent que c'est le résultat d'un contexte qu'on appellerait, sur les sujets, une société hypermoderne. Autrement dit, une société dans laquelle la règle du jeu social a changé par rapport à la société connue par vos parents et bien sûr encore plus par rapport à la relation connue par vos grands-parents. La société, quelle qu'il soit et quelle que soit cette société, même si ce n'est pas une société européenne classique à laquelle on pourrait penser. Et donc en fait, une société hyper moderne a plusieurs caractéristiques, je ne vais pas vous les imposer toutes, mais juste deux qui me paraissent particulièrement en résonance avec tout cela, c'est qu'une société hyper moderne donc, s'appuie sur finalement une logique de compétition sociale, pas une logique de compétition sociale au sens où tout le monde peut être en haut d'une hiérarchie sociale, mais en termes de présence. Et donc cette société réclame que, d'après des auteurs comme François Hacher, par exemple, qui a beaucoup travaillé l'hypermodernité, cette société réclame de l'individu social que nous sommes un ego fort. Un ego fort pour être omniprésent, plus présent, toujours présent. Et si on fait le lien avec Goffman qu'on évoquait, pour ceux qui ont lu Goffman, bien sûr, il y a plusieurs faces, mais il y a forcément cette expression que vous connaissez tous, qui consiste à perdre la face. Perdre la face, ça signifie qu'on est démuni dans une situation, on ne sait pas quoi répondre, on a les larmes qui montent aux yeux, le fou rire qui se déclenche, en tout cas, on a l'univers moderne, il est inimaginable de perdre la face. Autrement dit, nous devons avoir les moyens de faire face à toutes les situations sociales. Pourquoi ? Parce que socialement, nous sommes de plus en plus actifs et nous avons de plus en plus de rôles de face, de Hoffman, de rôles sociaux à tenir et à remplir. Alors, plus nous allons avoir de rôles sociaux, plus nous pourrons nous affirmer, puisque nous allons nous démultiplier. C'est un terme que ma collègue employait. Et nous sommes déjà là tous extrêmement démultipliés. Sans en avoir conscience, et j'aurais envie de dire heureusement, parce que sinon on s'épuiserait socialement. Vous êtes ici avec une phase d'étudiant, comme nous, avec une phase d'enseignant. N'empêche que certains sont des hommes, d'autres sont des femmes. Certains sont en couple, d'autres sont en colocation. Nous avons tous des géniteurs. Donc nous sommes à la fois le frère, l'enfant, le colocataire, l'étudiant, l'ami, l'ennemi, le partenaire de travail, le membre d'un groupe de travail, le membre d'un club de sport ou d'un orchestre de musique, etc., etc. Donc nous avons tous ces rôles sociaux. Et une société hyper moderne qui vit dans une compétition sociale dans laquelle seuls, les plus forts, socialement parlant, on ne parle pas d'économie ou de classe sociale, vont arriver à être sur le devant de la scène. Et donc, ce sont seulement ceux-là qui vont faire face, c'est-à-dire qu'il y a du répondant, mais c'est pas faire. Là, je n'ai pas le morceau, socialement parlant, on arrive à s'imposer. Ce sont ceux-là qui vont avoir donc le plus de facilité à investir tous ces outils, puisque cette affirmation de soi va passer par ces plateformes dont tu parlais, qui vont permettre de garder la place, même quand on est absent. Et l'ubiquité, c'est cela. Dans l'hypermodernité, c'est non pas être à plusieurs endroits en même temps, ce qui est le sens étymologique d'ubiquité, mais d'être toujours présent à certains endroits et de n'investir, parce que nous n'avons qu'un corps, de n'investir une identité qu'une seule à la fois et que partiellement. Là, nous espérons toutes les deux que la seule identité que vous investissez à 100%, c'est celle d'un étudiant ou d'une étudiante qui écoute le cours. S'il y en a qui font autre chose en même temps, ils investiront deux identités. Mais si vous aviez un match de foot ou un gala de danse pour être bien dans les clichés en même temps que ce cours, vous êtes absent de l'autre activité. Et toutes les plateformes de réseaux sociaux numériques nous donnent la possibilité d'exister en absence. Nos comptes Facebook, Instagram, ou ce que vous voulez d'autre et ce qui vous convient le plus, fonctionnent, et là, est visible. On va parler d'existence et de visibilité, de disponibilité, même si vous n'êtes pas connecté. Donc si on a besoin aujourd'hui, même si on ne réfléchit pas et si ce n'est pas de manière consciente, si on ressent un besoin social d'avoir autant d'engagement dans les réseaux sociaux numériques et les plateformes qui nous arrachent, c'est parce que c'est un moyen de nous affirmer socialement comme si nous étions plus gros, en quelque sorte, si nous prenions plus de place dans l'espace social. Puisque nous sommes là, nous sommes aussi avec vous. Vous êtes aussi sans doute matriculé sur une plateforme de l'université comme tout étudiant contemporain, où vous avez vos petites affaires, vos cours, les liens, les archives, les plans, etc. Et faisant cela, nous occupons totalement la posture. Donc ça, c'est peut-être le premier élément par rapport à ce que tu disais, qui me faisait vraiment penser à cela. Et cette posture, même pour ceux d'entre nous qui sont d'une très grande vigilance, qui ne souhaitent pas laisser diffuser n'importe quelle photo, photos, n'importe quel avis, parce que nous sommes tous suffisamment informés pour savoir que ça peut nous tomber sur le coin de la figure. Quelques années plus tard, quand on cherche un emploi ou quand on cherche à changer d'emploi, on est lucide là-dessus. Il faut bien voir que ça produit un deuxième effet qui est complètement impliqué dans ce qui vient d'être dit sur la construction sociale de la réalité et qui est à remédier avec le panoptique de tout à l'heure et le point central et les 360 degrés des cellules autour. Ce qui se passe en fait, c'est que d'une part, nous ressentons le besoin parce que nous vivons dans des sociétés qui nous y engagent, qui nous le conseillent ou qui nous y obligent. Donc nous démultiplions nos identités numériques en les découpant, plus ou moins. La plateforme, je ne sais pas, vous êtes sur Moodle ici, bon, la plateforme d'ici, c'est pour votre facette étudiante, Facebook, c'est peut-être pour une autre facette. Instagram, c'est peut-être pour vos activités ou vos week-ends, bon, etc. Donc nous démultiplions, mais en fait, comme nous abandonnons tout cela à différents outils informatiques et algorithmes que nous ne maîtrisons en rien, on sait qu'ils sont là, mais on ne peut pas les changer, on ne peut pas les bloquer, on ne peut pas dire là je ne peux pas. On croit que quand on coche, mais on sait bien que c'est juste une croyance, une confiance qu'on accorde souvent à tort, mais on peut tout cela. À partir de ce moment-là, se construit une identité qui n'est pas du tout celle dans laquelle vous vous reconnaissez, qui est encore moins une identité que vous avez construite. Et si vous voulez en avoir un exemple, mais sans doute les trois quarts de ce que vous avez, googlisez-vous vous-même. Vous allez trouver des photos, vous ne saurez pas d'où ça sort. On va vous associer des têtes d'individus, vous ne savez même pas qui c'est. Et si moi je vous cherche, je vais vous trouver comme ça. Moi, je ne vous connais pas, je vous cherche. Ce qu'on fait quand on doit rencontrer des collègues, quand on a un séminaire avec un invité, on ne sait pas qui c'est, on vous le dit, très bon. Donc il faut bien voir que cette identité-là, elle n'est pas socialement construite, elle est algorithmiquement construite. Donc elle est techniquement construite, mais elle manque de peau, comme elle aboutit sur des outils qui ont un vrai rôle social dans notre fonctionnement d'individu, professionnel, privé, familial, c'est une identité sociale. Une sorte de mosaïque d'extraction des autres identités que nous avons plus ou moins la possibilité de maîtriser. Je voudrais juste conclure cette petite incise sur. J'ai vu Dominique Cardon, je ne sais pas si c'est Dominique Boulier quelque part, à Le Cours, enfin bon, voilà. Dominique Boulier a écrit un texte qui est vieux, qui est écrit dans les années 80, par là, dans lequel il revient sur un élément de vocabulaire qui, moi, m'a marqué limite au fer rouge, c'est qu'en fait, normalement, nous sommes des individus. Et vous connaissez tous le terme d'indivis, insécable, indivisable. D'ailleurs, si on le coupe en deux, ça va mal se passer. Donc, nous sommes individuels et, contrairement à cela, socialement, nous sommes multiples, nous sommes démultipliés. Donc, il y a forcément des éléments qui nous échappent. Et les algorithmes nous aident complètement à laisser échapper, volontairement ou pas, un certain nombre d'éléments sur nous, d'éléments sur nos liens, d'éléments sur nos relations, sur nos situations avec la géolocalisation, etc. Donc je voudrais juste, pour conclure, attirer votre attention sur le fait que tout ce qui vient d'être dit là-dessus est encore plus vrai. Parce qu'il y a une face qui est aussi construite de manière algorithmique, donc algébrique, et absolument pas de manière sociale. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas voulu, on ne l'a pas fait avec un objectif, ce n'est pas une action située. Si je vous téléphone, c'est avec un objectif social. Je vais vous demander quelque chose, je vais vous inviter, je vais vous inviter, je dois avoir de nouvelles, après vous faites. Et que ce soit le téléphone ou autre chose, ça n'a pas d'importance, c'est l'intention sociale qui compte. Par contre là, il n'y a pas d'intention sociale, c'est une intention algorithmique qui permet de faire tourner un auteur, lequel auteur à sa place dans un modèle économique. prend l'image du panoptique, de considérer que c'est la position de pouvoir, c'est que c'est nous qui la tenons, et donc être vigilants à toutes ces espèces d'éclats de notre identité qui nous échappent et qui construisent une autre identité qui n'est pas la nôtre. Voilà. Méfiance. Je tirerai son état là. Alors, sur ces mots sages, on va prendre une question, après ça, on la pose. La quasi-totalité des certitudes qui construisent les sociétés sont tombées, ont disparu. C'est ce que Lyotard appelle la disparition des grands récits. C'est-à-dire que non, aujourd'hui, quand une fille naît dans une famille bourgeoise, déjà la famille bourgeoise est n'importe quoi, puisque les classes sociales sont quand même pas mal tordues, donc quand une fille naît dans une famille bourgeoise, non, on ne peut pas dire quel sera son destin. Au XIXe siècle, son destin était une évidence. Et si un garçon était le premier né d'une famille aristocratique, son destin était tout aussi clair. On savait que ce serait l'hérité et qu'il occuperait cette place-là. On savait que le deuxième irait à l'armée et on savait que le troisième garçon finirait dans le clergé. Donc les certitudes des grandes valeurs qui construisent une société, y compris l'État-nation, sont tombées. Et à partir de là, c'est la jungle. Et il ne reste que nous. D'ailleurs, les crises politiques que nous traversons en France montrent bien qu'il ne reste que le peuple, en quelque sorte. Et que ce n'est pas dans la catégorie des candidats à la présidence qui serait une valeur refuge. Savoir pour qui voter, c'est quand même tranquille. Quand on se demande bien pour qui on va bien pouvoir voter, ou quel est le moins pire de tous les candidats, on perd ses repères, véritablement. Donc, il y a la perte des valeurs, il y a la disparition ou l'essoufflement de l'État-nation. Et moi, les deux sur lesquels je voulais venir, c'est que puisqu'on doit se dérouler tout seul, il faut un ego fort. Et il faut, c'est la deuxième, donc, une omniprésence. C'est-à-dire que ceux qui ne vont pas oser ouvrir la bouche, ceux qui ne vont pas oser bousculer dans la queue pour être le premier, eh bien, comme il y aura que trois places, ils seront quatrième, cinquième, ils n'auront pas. Ils n'auront pas de travail, ils n'auront pas de logement, ils ne pourront pas s'exprimer. Ils n'auront pas de prêt à la banque parce qu'ils n'arriveront pas à avoir un ego au sens médical du terme, donc une construction d'eux assez forte pour dire j'existe, je suis là, j'ai le droit, je le veux. Donc bien que tout le monde ne va pas manifester, tout le monde ne voit pas sa bouche sur Facebook pour exprimer une opinion politique, ceux qui vont sur Facebook pour dire je me suis acheté. Une jupe bleue ou une voiture rouge, regarde comme elle est jolie, n'ont pas une posture aussi forte que quelqu'un qui dit on vient de voter une loi, ou je ne sais pas, j'ai traité avec le Canada hier soir, et qui exprime une opinion politique. Même si c'est je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison, c'est une expression politique de leur opinion. Donc, pour arriver à survivre dans cette jungle, il faut un ego fort, et il faut que cet ego fort il soit, avec le schéma qui était là sur le couteau, à 360 degrés. Il ne faut pas avoir de ventre mou, comme on dit. Ce n'est pas juste devant qu'il faut être fort. Il faut être fort devant, derrière, sur les côtés, et être capable de maîtriser et de développer les faces dont parle Goffman. Donc c'est vraiment... Enfin, moi, j'aime beaucoup les travaux sur l'hypermodernité parce que ça, moi, ça me permet de comprendre pourquoi je fais des choses alors que je sais très bien que je devrais. Oui, merci. Je peux rebondir un peu sur votre dernier propos, faire des choses quand on est en train de les faire. Si la société, en fait, si l'implantation de l'individu est basée sur les repères, c'est-à-dire qu'on a un repère vers qui on veut ressembler à un repère, et que notre société actuellement, les repères sont justement en train de chuter, et l'individu ne trouve-t-il pas dans les réseaux sociaux un autre point, avec un repère, parce que le repère réel est en perte de vitesse. Donc, du coup, il se retrouve dans le repère virtuel, tout en sachant que les algorithmes, comme vous disiez tout à l'heure, construisent une identité qui ne nous appartient pas. Alors, certains auteurs avancent que les réseaux numériques constituent un repère au sens où il serait un miroir, et que donc quand on voit notre reflet dans le miroir, on se dit j'existe. Voilà, je suis là, je me vois, je suis là. Et que de nous renvoyer notre propre image et notre propre identité, et si en plus on poste quelque chose qui est X fois partagé, c'est comme un miroir qui ferait des reflets, on existe X fois, effectivement, les réseaux sociaux jouent ce rôle-là. Mais les repères, nous devons nous les construire. Vous savez, il y a des expressions qu'on colle pour les jeunes de votre âge, et depuis un certain temps, depuis une dizaine d'années, il faut prendre son destin en main. Mais justement, on est obligé de prendre notre destin en main tout seul, parce qu'on sait qu'on ne va sans doute pas avoir un employeur pour la vie, une maison ou un appartement pour la vie, un pays pour la vie, un conjoint pour la vie, etc., etc. Donc, à nous de nous forger des certitudes. Et les réseaux sociaux sont des lieux de certitude. Avec nos groupes d'amis, par exemple, on est dans la certitude. Du coup, je vous prends, le voisin, je ne prends pas, et puis quand j'en aurai assez, je me débarrasserai, je ne vous suivrai plus. Donc, j'ai l'impression que je tiens. D'ailleurs, bon, ce n'est pas le cas sur Facebook, mais sur d'autres plateformes, des plateformes qui sont vraiment, je ne sais pas s'il y en a spécifiquement belges, c'est un peu au pied fait, mais en France, on en a une qui s'appelle Sens Critique, qui permet de commenter des films, des livres, des vidéos, des séries, pardon, des jeux vidéo, etc. Et donc, on peut gagner, ils appellent ça des badges. Mais vous gagnez des points, des labels, parce que vous avez fait 10 commentaires, donc au 11e poste, c'est comme la réduction quand vous avez une carte de fidélité dans un magasin. Hein. Le 11e repas, on vous fait 10%. Donc vous avez des labels, vous avez des badges. Donc certains produisent pour obtenir ces labels et des badges. Si on est follower, c'est qu'on suit quelqu'un. Donc celui qui est suivi, il a plus de visibilité, de notoriété, et là on voit la notoriété, l'identité, les traces, etc., que celui qui suit. Et plus on rentre dans cette compétition qui est permanente, hein, après pour raconter des anecdotes, mais on fera la pause, quand on rentre dans cette compétition et que vous recevez des messages qui vous disent allez, un petit commentaire de plus, et vous aurez le badge du meilleur commentateur de la semaine, parenthèse, on est dans des procédures de management qu'on connaît très bien, mais qui étaient appliquées à l'entreprise avec la carotte au bout, voilà, par hasard, et qui n'est pas du tout, et qui là, qui est basculé dans le social. Et donc, comme certains sont convaincus que leur notoriété ou leur visibilité sociale s'étoffera à avoir ces badges, ces étoiles, ces labels, ce nombre de vues, etc., vont contribuer à alimenter de plus en plus vraiment le gouvernement et la preuve à l'aujourd'hui des youtubeurs dont c'est l'été. Le système est stable. Il s'est professionnalisé, on a attendu. Donc on a une certaine stabilité. Alors la compétition, bon, moi j'habite à Grenoble dans les Alpes, mais j'ai longtemps travaillé à Paris pendant une dizaine d'années pour mes travaux de recherche, j'ai souvent des séminaires à Paris. Et donc, quand je suis arrivée ici la semaine dernière, bien sûr j'ai pris le métro hein, en arrivant à la gare, et bien sûr j'ai pris un escalator. J'ai d'abord pris en panne, mais après j'ai compris. Je vais être la seule à me dire, tiens, mais il n'y en a aucun qui marche, c'est pas possible. Bon, et donc il descendait celui-là, et la première chose que j'ai pensée, c'est que les gens qui le partageaient avec moi étaient très indisciplinés parce qu'on n'était pas sur la file de droite. C'était plutôt à droite, à gauche, au milieu, ils occupaient l'escalier. Et puis je me pour arriver plus vite en bas de l'escalier, ça ne fait pas arriver le métro plus vite. Hein. Et puis au bout de deux ou trois occurrences de cette situation, je me suis dit, mais ici, il faut pas. Pas dans l'escalier. Je me suis dit, tu en profites et tu vas courir toi aussi. Mais je pense qu'à Paris, il y a des gens qui courent parce que les autres courent. Parce que tu vois, moi je cours dans l'escalier, alors que je ne suis pas si précise que ça, et que les métros sont suffisamment fréquents pour que je puisse en arriver sans être en retard. Vous voyez, il y a un entraînement social. Ici, je ne cours plus. Et si je reviens à Paris après demain, je vais courir, c'est sûr. Mais si je reviens à Bruxelles, je ne courrai pas. Donc, il y a vraiment des compétitions qui se nichent partout, partout, partout. D'être le premier alors que ça ne sert à rien. Non, moi, je viens de coup, j'adore. Quand je vais bousculer, quand je prends l'avion, je dis à ces messieurs de la première classe, vous savez, l'école rentre tout ça. Tout ça, si, à part, mais c'est tout ce que vous avez gagné. Le platinium du calice aussi, de la sociologie, passons. Mais on est dans des micro-compétitions et puis dans des compétitions où on vous dit que si vous n'êtes pas le premier, vous n'avez pas de chance. C'est tout. Si vous n'avez pas le salaire, vous n'achèterez pas la maison. Si vous n'avez pas satisfait à des conditions, alors vous faites partie des gens. Donc il faut aussi se méfier et de temps en temps savoir à l'occasion de plus promis. S'il y en a qui ont des questions, je viens leur répondre pendant la pause. On a les autres pour la pause. On en prie tout le monde. On va faire une pause de 10 minutes. Moi, je vais faire une pause. Thank you. qu'on doit dire maintenant ou on doit envoyer un mail? Je sais pas, l'autre, il y en a un aussi, c'est qui, mais celui-là, je sais pas si c'est l'autre assistant ou pas. Elle a dit un nom et puis Brieux. C'est Brieux, c'est celui qu'on avait en comme Paul aussi, non? J'ai pris un tempo, c'était le même assistant, mais c'est pas lui. Mais il y a l'autre, c'est peut-être lui. Bah, au pire, on va voir. Ouais. Moi, je lui envoie un. J'ai la flemme l'expression. Ouais. Et tu as des trucs de petits bouts et de premier de la classe et tu te dis mais c'est pas drôle, tu vois. Faut déjà rien que ça. Voilà. C'est nul. Ah mais elles sont toutes comme ça. Il y a déjà rien. En plus, c'est que c'est vieux smiley, mais il n'y a plus personne qui met des smileys comme ça. Bon, mais là, ça fait. Ouais, parce que là, c'est un grand direct avec les chapeaux comme ça. Enfin, je sais pas. Ouais, t'as pas l'habitude d'en faire. Ah oui, le fameux carré avec la pointe d'interrogation dedans. Ma mère aussi, elle avait ça avant. J'ai pas me dit, ah, pourquoi tu m'as envoyé? C'était un smiley. Ah, moi, c'était l'inverse, c'est parce qu'elle avait un téléphone plus évolué que le mien. C'était là, genre, ma mère m'envoie des trucs, mais je sais pas ce que c'est. Voilà. En même temps, après, tu regardes le nombre de likes et tu fais ah oui, d'accord. Ouais, c'est pas. Eh ben, je préfère son cours parce que c'est bien ce matin. Déjà. Quoi ? Je préfère son cours aujourd'hui parce que c'est bien ce matin. C'est pas si marrant, c'était un peu. La semaine dernière, j'ai pu développer. Mais si j'ai l'impression que c'est plus suivi quand même. Ouais. Et moi, elle a parlé pendant. Elle a trop parlé, et à la fin, j'étais là, mais. Et du coup, j'ai juste rajouté la main tout seul. Avant de reprendre, je pense que la part pour une collègue, pour une activité. Bonjour à tous. J'aimerais quelques secondes de présentation juste pour vous dire que l'ASEC, la semaine prochaine, on organise un débat, une conférence débat avec des invités catalysés pour parler sur l'éducation et l'égalité des sexes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site de l'ASEC et sur l'event. Il y aura plus d'informations. Ça se passe au bâtiment vert à 18h. Donc voilà, on vous attend. Il y a des petits flyers si vous voulez plus d'informations. Voilà. Alors, on a réfléchi aux implications de ces processus identitaires en lien avec l'évolution du numérique, avec, en lien avec l'évolution de l'environnement social. Comme on a la présence de Madame Patricia Segui, donc avec nous aujourd'hui, en fait, je vais essayer de profiter au maximum pour qu'elle soit là. Donc, il y a certaines diapositives que je vais garder pour la semaine prochaine. Je vais plutôt mettre l'accent sur plusieurs d'entre elles. Donc, ici, j'avais prévu un petit, en fait, de faire un retour sur le lien entre communication interpersonnelle et la prise de parole publique, ainsi que ensuite. Tout ce qui tourne autour de la participation au débat, la capacité à exercer un certain pouvoir, une certaine influence à partir d'Habermas. Est-ce que, mais je crois qu'Habermas, vous n'avez pas nécessairement eu des cours spécifiques sur lui, ici, ou un livre, beaucoup. Oui, vous êtes déjà familier pas mal avec lui. Ok, bon. Je vais garder cette diapositive-là alors pour y revenir brièvement ou de façon en mettant peut-être une ressource en ligne complémentaire pour ceux qui sont moins familiers avec cet auteur. En fait, dans cette deuxième partie du cours, je voulais qu'on s'attarde peut-être plus sur le deuxième texte que vous aviez à lire, qui est donc un texte de Dominique Cardon sur cette notion de parler public, privé-public, donc de vraiment alterner en fait ces fameuses identités, à la fois identité publique et en même temps cette navigation, cette évolution, cette existence dans différents contextes, dans différents lieux qui sont plus ou moins publics. J'avais notamment, je voulais qu'on se focalise en particulier sur certaines des idées qui traversent le texte, en particulier l'idée de tri, en fait, de sélection que l'on va faire lors d'une conversation ou du moins d'interaction que l'on développe en ligne. Et donc, l'une des idées dans le texte de Cardon, c'était celui de droit d'entrée dans une discussion selon des liens, selon un tri qu'il qualifie de naturel. Donc, vous aviez dans le texte, notamment une hypothèse de travail dans laquelle il s'appuyait en fait sur l'idée de lien fort ou lien faible. Donc si, pour ceux qui ont... Est-ce qu'il y en a qui ont le texte sous format papier oui. Est-ce que les autres, vous l'avez peut-être sur vos écrans? Alors, si vous allez à la page 37 du texte, vous avez juste une hypothèse proposée par Cardon, qui est en page 37 du texte. Alors, vous avez, c'est pratique, vous avez dans le texte, au bout de la page adoptée, vous avez une partie qui est intitulée 2, la présence du public dans l'énonciation. Est-ce que là vous voyez? Alors en fait, dans le paragraphe qui précède cet article, vous avez un paragraphe qui commence par « Dans ce texte, nous voudrions présenter... » Ça va? La deuxième phrase de ce paragraphe donc concerne une hypothèse du texte, qui est donc l'hypothèse qui préside à cette recherche et qu'il existe une forme d'autorégulation des droits d'entrée dans la conversation digitale, donc numérique, conduit à ce que, lorsque les personnes publient des statuts relatifs à leur vie personnelle, seuls les liens forts y répondent, alors que lorsque les personnes publient des statuts portant sur des questions publiques, il est plus fréquent que des liens faibles se sentent autorisés à entrer dans la conversation. Ce qui fait dire à Cardon que le caractère plus ou moins public de la prise de parole, donc du contenu que l'on propose devant son réseau social, n'est plus déterminé a priori par le canal dans lequel elle s'exprime, mais est interprété a posteriori par ceux qui entrent dans la conversation. Alors, cette idée que lorsqu'on publie de l'information qui est plutôt liée à la vie personnelle, c'est plutôt les liens forts qui répondent, que par contre, lorsqu'on publie des statuts qui portent plutôt sur des questions publiques, c'est des liens, enfin, non pas que ce sont plutôt des liens faibles qui vont intervenir, mais des liens faibles vont se sentir davantage autorisés à prendre part ou à entrer dans la conversation. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse? Qu'est-ce que vous en pensez? Les liens faibles sont davantage autorisés à quel moment de la conversation? Les liens faibles se sentiraient davantage autorisés, donc ils se sentiraient davantage autorisés à entrer dans la conversation lorsque quelqu'un publie une information d'ordre plutôt public, donc un avis ou une opinion sur, je ne sais pas, un problème politique, un problème social, le climat, etc. Les liens faibles se sentiraient donc plus autorisés à commenter, à interagir, que s'il s'agissait de questions d'ordre personnel. Quelqu'un qui publie une photo de son bébé parce qu'il rentre de la maternité ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça vous paraît ressembler à ce que vous observez sur les plateformes? Est-ce que vous voyez peut-être des exceptions? Est-ce que ça vous semble logique? Oui. Moi, ça me semble assez logique dans le sens où quand on exprime une opinion, si on est proche de la personne et qu'on a une opinion au contraire, on ne va pas forcément le dire, justement, que ça fait un petit peu la relation qu'on entretient avec cette personne. Alors quand le lien est plus faible, on va peut-être justement plus être plus enclin à donner une autre opinion, et même si elle est divergente de celle de la relation, puisqu'on a moins de crainte de blesser. Donc la distance affective avec la personne qui a publié fera en sorte qu'on serait prêt à davantage demander ou à davantage être posé, moins à contredire ou à poser quelque chose de différent. Moi, je le vois plutôt dans le sens où les liens forts, elles deviennent le parce que en fait, ce sont des gens que vous connaissez, qui ne plus de votre vie, et ces gens ne sont pas forcément dangereux par rapport quand vous faites une publication sur un sujet politique d'actualité, par exemple, ce que vous appelez tout à l'heure la construction sociale de la réalité, n'importe qui ayant lu le sujet dont vous avez, sur lequel vous avez intervenu, n'importe qui apporte sa contribution selon l'angle qu'il a lu le sujet. Donc c'est un peu comme ça. Donc en fait, une question d'ordre public aurait plus de chances de toucher ou d'intéresser un plus large public dont des liens faibles, parce que ces personnes-là auraient été exposées à de l'information en fait sur ce sujet, alors que la naissance de votre bébé, par exemple, ne concerne que vos proches, bien ceux qui vous connaissent de manière. Donc, serait une information avec une ampleur, un rayonnement plus faible. Mais à moins que vous n'ayez une stature peut-être de star ou bien une personnalité politique d'envergure, quelque chose de déjà, une reine ou bien, je ne sais pas. Bien Obama avec son chien, Joël. Quelle autre réaction là-dessus? Mais il y a aussi l'idée que quand on revient sur une question d'ordre public, ça appartient en quelque sorte à l'espace public et que donc les liens faibles, comme ils sont dans cet espace public, vont aussi se sentir autorisés à y participer parce que ça les concerne tout autant, quand effectivement la photo de PD, ça les concerne pas, du coup ils ne vont pas se sentir victimes. Oui, Jean-Marc. dans le propos de Cardon, on se parle du fait que les liens faibles se sentent davantage autorisés à entrer dans la conversation. Il y a cette idée aussi de se considérer comme légitime, comme participant à la conversation. Donc si on ne connaît pas la personne, par exemple, on se sent peut-être moins légitime d'aller mettre le cœur et trois petits bébés souriants pour commenter la naissance ou le retour à la maison, alors que en fait, on n'a jamais. C'est une connaissance de travail avec qui on a été en contact Facebook par hasard il y a 5 ans, mais qu'en fait, on n'a aucun lien réel en ligne avec cette personne-là. Alors qu'effectivement, dans le traitement d'une question, d'ordre public, qui relève plutôt d'un débat public, peut faire en sorte qu'il y a une conception justement de ce qu'est l'espace public, qui fait en sorte que les personnes vont dire ben, « ça appartient au domaine public, c'est un débat dans lequel je me sens concernée parce que c'est un débat citoyen, ou que bon, ça porte sur justement la validité ou l'intérêt social utilisé des virus et non des vaccins, sur le climato-sceptisme, etc. Tous ces débats de société, en fait, auxquels on est exposé ou sur lesquels on lit ou dont on entend sur lesquels on entend des conversations à la radio, à la télé ou entre nous, dans nos cercles familiaux, amicaux, etc. Donc il y a une conception aussi de la dimension plus ou moins publique de l'espace en fonction des contenus que l'on va publier, mais aussi donc la définition de cet espace-là comme étant plus ou moins public est définie par la façon dont nous allons recevoir, donc a posteriori, par la façon dont nous allons interpréter l'information. Parce que ce qui a été publié, moi je considère que c'est plutôt public ou que c'est plutôt privé. Par exemple, le fait que mon voisin a gagné une compétition de ski. C'était une compétition régionale assez connue, il y avait un article dans le journal, il publie sa photo dans le journal. Je ne parle jamais à mon voisin, on est juste en contact Facebook. Il n'y a que ses amis qui lui mettent des likes, mais en même temps c'est publié dans un journal, tout le monde le voit, donc ce n'est pas une photo de lui en train d'embrasser son fils, etc. pour la victoire. Donc peut-être que la dimension médiatique prise va faire en sorte que je vais me dire bah, c'est une information plutôt public, donc c'est plutôt sympa, je vais liker quand même si je ne le connais pas. Donc je vais interpréter où le récepteur ou le destinataire, le public, l'usager en face, qui reçoit ou qui voit l'information, va la décrypter comme appartenant à un espace donc plus ou moins public. Et donc il y a des degrés en fait du caractère public de l'espace dans le numérique, dans lequel on est, qui vont varier. Et qui vont varier aussi en fonction des spécificités en fait, technologiques. Tout à l'heure, Françoise Pakinsegui parlait des algorithmes. Et effectivement, il y a une influence technologique en fait, sur la qualité ou sur le statut de la formation en fonction de la plateforme sur laquelle on publie. Si je suis sur Twitter et que je ne poste généralement que de l'information d'ordre professionnel, on va s'attendre à ce que toute information que je poste soit plutôt d'ordre professionnel. Donc même si je parle de quelqu'un en lui disant « Merci beaucoup, c'était super de te voir cet après-midi » et que je pense à public, on va dire « Il parle à un collègue qui est venu me donner une conférence ». Si je ne poste que des choses à caractère plutôt personnel, des photos de repas, des photos de mon chien, etc. Si j'écris exactement la même phrase, on va se dire ben, c'est un ami à lui qui est venu manger à la maison cet après-midi. Et donc on va identifier ou interpréter le statut de l'information en fonction de un peu la ligne éditoriale du type de plateforme sur laquelle je vais poster, selon des critères. Et donc, il va y avoir toujours un peu cette négociation, cette articulation entre, d'un côté, l'interprétation des acteurs de la conversation et une partie de déterminisme technologique. Alors, la notion de déterminisme technologique, je ne sais pas, François, si ça t'intéresserait peut-être d'intervenir là-dessus. Déterminisme technologique qu'il faut concevoir, sur lequel il faut réfléchir en termes, lorsqu'on parle d'identité numérique, lorsqu'on parle de construction de soi, de tentative de construction de soi sur des espaces numériques, mais qui a aussi ses limites, qui détermine en partie la façon dont les acteurs se comportent, et qui en même temps a aussi certaines limites, notamment sur le plan théorique. Si tu veux bien, Françoise, en fait, je te passerai la parole maintenant, oui, si ça te convient. Voilà, on continue dans notre variation en direct. Oui, tu peux tout à fait utiliser. On peut pas parler de déterminisme technique tout seul. Ça n'a pas de sens scientifiquement parlant. C'est moitié, l'autre moitié, c'est le déterminisme social. Et aucune des deux postures n'est scientifiquement recevable. On se rate à chaque fois. Pour ne pas se rater, il faut se tenir sur le fil du rasoir entre les deux, et c'est une situation d'équilibre qui est quasi intenable. Donc il faut la concevoir et la convoquer en permanence. Donc on parle de DT pour le déterminisme social, bien sûr, et de DS pour le déterminisme technique et social, mais il faudrait arriver à se tenir sur ce fil du rasoir, glissant, coupant, incisif, etc. On va quand même commencer par le déterminisme technique, parce que c'est plus facile, parce qu'il se voit, le déterminisme social se voit moins. Pour poser une image tout de suite et pour que ça soit plus clair, c'est le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est la surface de l'eau, si on veut avoir cette position d'équilibre. Vous voyez que si on s'intéresse à la surface de l'eau, on se fiche du verre, on se fiche de la hauteur jusqu'à laquelle le verre est rempli, et on se fiche aussi du liquide dans lequel on a mis dans le verre. Ce qui nous intéresse, c'est la surface de l'eau. La position d'équilibre, c'est celle-là. Alors, idéologiquement, grosso modo, depuis la révolution industrielle, machine à vapeur et co, nous sommes sous le coup d'un déterminisme technique. Autrement dit, nous, gentils individus sociaux, sommes là bêtement et on attend que la technique arrive, et quand elle arrivera, on en fera quelque chose, en se conformant à ce que la technique prescrit, en suivant les ordres, finalement, que la technique donne. Donc le déterminisme technique, ça consiste à dire que le changement social est porté par la technique, que le progrès est porté par la technique, que le commerce est porté par la technique. La navigation fluviale, par exemple, qui est une technique comme une autre, a permis de distribuer, de transporter des marchandises autrement. Les voitures électriques aujourd'hui, ou les bicyclettes, permettent de se déplacer, mais donc permettre toujours d'aller du point A à un point B, mais en portant d'autres idéaux, etc. Mais la technique reste la technique, on va du point A au point B. Soit avec la péniche, ou avec la bicyclette, ou avec nos pieds. Donc le déterminisme technique est conçu par un grand nombre d'auteurs, grosso modo, pour aller très vite jusqu'à la caricature, c'est le terme sans être péjoratif, la caricature de celui-ci, grosso modo, c'est le philosophe Auguste Comte, où la technique nous sauve. Nous ne serions rien socialement parlant sans la technique. Si nous n'avions pas la télévision, la presse, la radio dans les années 30, 60, nous n'apprendrions rien. Si nous n'avions pas eu le chemin de fer, la machine à vapeur, nous n'aurions pas pu construire d'échange. Si nous n'avions pas eu la technique de l'écriture, nous n'aurions pas pu archiver, compter, etc. Donc nous ne serions rien sans la technique. Et l'autre corollaire qui est très très forte, c'est que technique égale progrès. Progrès technique égale progrès social. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les premiers outils techniques qui sont développés, ils sont développés pour faciliter le travail de l'homme, pour remplacer la force humaine, pour reposer l'homme, et on fait travailler la machine. L'homme ou la bête, hein, qui tire la charrette, la charrue, et on va remplacer ça par une machine, par mécanique. Donc, l'idée de déterminisme technique, c'est premièrement qu'une activité sociale, c'est pour avoir l'étiquette la plus large possible. musicale, la technique permet une réalisation d'activités nouvelles. C'est sûr, si je vais à pied, et si vous me donnez une semaine, ça ne fera pas la même chose que si je peux monter dans un train. En une semaine en train, j'irai beaucoup plus loin à pied. Et en une journée, et en une heure, n'en parlons pas. En une heure, si je prends le tram ou le métro, j'irai à plus d'endroits, plus vite, que si j'y vais à pied. Et comme je ne serai pas fatiguée, je peux toujours marcher une heure quand je sors du tram ou du métro. Donc il y a un élargissement des activités sociales qui serait dû au déterminisme technique. Et par ailleurs, cet élargissement de l'activité sociale serait un bien-être pour l'homme. Alors je vais rebondir non pas sur les virus, mais sur les vaccins. Quand Pasteur découvre le vaccin contre la rage, quand on commence à savoir vacciner contre la tuberculose, etc., c'est un déterminisme technique, c'est-à-dire que la technique médicale, et vous voyez que une vaccination, c'est bien sûr, il faut une seringue pour piquer, mais c'est aussi, c'est surtout le produit qu'il y a dans la seringue, donc une technique, ce n'est pas forcément un objet comme on pourrait penser, non, un objet matériel, une machine, bon. Donc, cette technique va changer la vie des individus. Et on fait le même parallèle avec les technologies de l'information et de la communication, les médias. Ces outils vont changer la vie sociale des individus. Et je pourrais avoir ce raccourci que je casserai quand je suis dans le déterminisme social. Facebook a changé nos vies, Instagram a changé nos vies, l'ordinateur a changé nos vies, etc., etc. La télévision par satellite, les jeux vidéo... les hologrammes, les avatars, mettez-y tout ce que vous voulez. L'idéologie qui est portée par le déterminisme technique, c'est que puisqu'il y a les techniques, alors il y a changement social. Hélas, hélas pour nous dans notre discipline, énormément d'auteurs ont adoré le déterminisme technique. Donc, je peux en citer un. Rogers, par exemple, pour ne pas le citer, Edward Rogers, qui considère que le social et la technique se rencontrent le jour où on va acheter le produit au magasin. Voilà, avant, rien. Donc ensuite, d'autres commencent à partir des années 1980-1990 à se poser la question, donc à reprendre déterminer. Progrès technique égale progrès social. Déjà avec le nucléaire, on commence à se demander quand même si c'est vraiment vrai cette histoire de progrès technique égale progrès social. Et le nucléaire, c'est des programmes d'État. Et forcément, ce n'est pas des gens qui vivent dans leur garage, par contre. Donc c'est des programmes d'État massifs et ça commence vraiment à bousculer les certitudes scientifiques par rapport au déterminisme technique. Donc on commence à ébrécher l'idée que progrès technique égale progrès social. Alors on les a toutes surmontées, hein, même les peurs terribles qu'on avait des gens qui allaient être écrasés par les trains, des choses comme ça, hein, des avions qui allaient tomber. Enfin, bon. Donc on commence à avoir une foi en la technique égale progrès, et là vraiment le nucléaire casse l'affaire et on commence à se poser beaucoup d'autres questions. Donc on casse le lien entre progrès technique, progrès social. Et puis l'idée que le social ne serait rien que le lieu dans lequel la technique s'incorpore commence elle aussi à être cassée, parce que 80-90 ce sont les années où on a les premières technologies de l'information et de la communication. Si on prend le cas de la Belgique, ça n'est pas le cas de la France à cette époque-là. La France, elle est branchée Minitel, comme tu l'as dit, mais ici vous êtes branchée câble. En France, on n'est pas du tout câblé, mais bon, on a une communauté linguistique qu'il n'y a pas forcément de réseau de lettres. On a des montagnes sur lesquelles on peut mettre des réseaux qui vont irriguer plus facilement. Donc ici, pour des raisons géographiques, topographiques et culturelles, le câble débarque. Et en fait, on s'aperçoit avec ce qu'on appelle les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui naissent dans les années 80 et qui ne cessent de se développer jusqu'à aujourd'hui, on s'aperçoit en fait que ce n'est pas la même chose que les technologies et les techniques qu'on a eues avant. Et l'élément vraiment différent, c'est que ces objets sont multifonctions et pas monofonctions. Une télévision des années 60, ça fait une chose, diffuser une chaîne de télévision, voire dans les grandes années, trois. Donc, à quoi sert la télévision? À regarder trois chaînes de télévision. Il n'y a pas de magnétoscope, donc on ne peut pas enregistrer, etc., etc. Donc, monofocus. Si mes technologies de l'infocom ne vont pas, prenez le réfrigérateur qui n'a pas la partie congélateur et qui n'a pas la partie pour les légumes et qui n'a pas la porte pour ici le beurre, ici les œufs, ici les bouteilles, etc. Monofocus. Petit à petit, à partir des années 90, c'est absolument plus le cas. Le web, c'est 92, le web 2.0, 2004, c'est fini, plus rien. On est monofonctionnel. Donc, lier la technique à un fait social, une activité sociale ne peut plus être le cas. On ne peut pas dire la technique c'est la télévision et l'activité sociale ou la presse, hein, si on fait référence à l'espace public qu'on évoquait à l'instant. Et donc, la presse est un lieu de source d'information, c'est une source d'information qui donne lieu, pardon, à débat. Et à partir de ces débats, l'espace public commence à se construire. La télévision propose des émissions. Si la concurrence se joue entre trois émissions, encore toutes les chaînes n'allaient pas jusqu'à 20h. Après, on n'en avait plus que deux sur la STER. Bien sûr que nous allons parler de ce qu'il y avait à la télévision hier soir, puisqu'il n'y avait qu'une chose, donc forcément, ceux qui ont regardé ça, ils ont regardé ça. Donc l'unicité peut être vérifiée. Dès lors que les TIC sont polyvalentes, multifonctionnelles, et que les médias se démultiplient, on peut très bien, ça m'étonnerait que ce soit le cas, mais donc tous regarder la télévision un soir, et qu'aucun de nous n'est plus la même chose. Et pour un peu qu'on se soit connecté sur un site de replay de télévision de rattrapage, ou que ce soit plutôt des séries sur YouTube ou du téléchargement illégal qui nous intéresse, on aura tous regardé un contenu audiovisuel, et ça ne sera pas le même, donc il n'y a plus cette unicité. Une technique donne un effet social. Alors, puisque ça ne marche pas du côté du déterminisme technique, alors on va du côté du déterminisme social, ça sera beaucoup plus rapide parce qu'il est beaucoup moins défendu. Et donc, le déterminisme social consiste à considérer que tous les changements techniques sont le fait d'activités sociales. C'est parce que vous n'êtes pas élevé comme vous n'avez pas été élevé comme je l'ai été, que vous avez envie d'aller voir ailleurs, parce que les programmes Erasmus existent, par exemple, ça n'est pas le cas, parce que vos parents vous disent plutôt part que reste, parce que de toute façon il y a des exemples de départ, moins d'exemples de permanence. Donc on est dans un univers social qui a ses propres règles, et ces règles donnent une place particulière à la technique, puisque ces techniques nous permettent finalement d'avoir notre destin en main et de tracer notre chemin. Si je ne sais pas ce qui existe ailleurs, je n'ai pas envie d'y aller, je ne peux pas m'organiser pour y aller non plus. Donc des caractéristiques encore une fois de l'hypermodernité, hein, la mobilité en études, dans la précipitation, ça vous l'avez compris, mais une mobilité sur tous les registres sociaux et physiques. Donc nous pousse à considérer que pour vivre la vie qu'on veut vivre, nous avons besoin de ces techniques. On veut vivre vieux, donc il faut des techniques pour nous soigner, on ne veut pas vieillir, il faut des techniques pour ne pas avoir de rythme. On veut être en bonne santé, donc il faut des techniques pour faire du sport, pour pouvoir entretenir la machine en quelque sorte. On veut même ce qu'on ne peut pas avoir, donc il nous faut des techniques pour grossir, pour rapetisser, pour archiver, pour décupler notre habitat par des espaces virtuels, etc., etc. Et donc la technique ne fait que répondre à nos souhaits, répondre à nos rêves, répondre à nos besoins, à nos attentes, et n'aurait aucun poids social, ce serait l'instrument de l'homme. Parenthèse, pour ceux qui ont envie de lire un peu et tout en lisant pour leur formation de lire autre chose, vous avez donc Le Roi Mourant, qui est un anthropologue qui travaille sur la préhistoire et qui travaille sur les premières techniques, hein, le silex biface, vous savez que c'est le premier objet que l'homme s'est construit, le silex qui taille des deux côtés, pointu en haut et arrondi en bas, un peu comme un médiator de la guitare, et qui va permettre de couper, de découper, de séparer la peau de la chair, de se faire directement avec la peau et manger la chair. Et pourquoi pas de tailler des morceaux de bois, de charbon de bois pour faire des dessins rupestres. Donc ça fait longtemps qu'on pense que la technique, c'est un terme hein, de le roi Rouen, est à raisonner par l'homme, donc maîtrisée par l'homme, par le social. Alors le problème, tout ça, ça a très bien marché au sommet de la couronne. Vous avez ceux qui peuvent penser que c'était plus lié dans un sens que dans l'autre, et inversement, mais grosso modo, la réalité sociale que vous observez, techniques incluses, résistait. Aujourd'hui, pourquoi ça ne résiste plus? Ça ne résiste plus parce que tout ce qu'on appelle les TIC, technologie de l'information et de la communication, TICN, avec le N et le numérique, sont des objets techniques qui, en fait, sont inachevés. Je prends l'exemple du smartphone. Quand vous achetez un smartphone, il y a quelques applications qui ont déjà été insérées dans le smartphone, soit par l'équipementier, soit par l'opérateur qui vous vend le smartphone. Mais après, on fait ce qu'on veut. Vous mettez une appli, moi je ne la mettrai pas, ou je la mettrai plus tard, puis vous l'enlèverez. Autrement dit, même si le terme n'est pas tout à fait le bon, nous allons paramétrer, profiler ces outils, chacun a notre idée. Alors bien sûr que même sans être dit qu'il y a des effets de mode, moi on m'a parlé d'une application hier soir, un déjeuner dîner entre collègues que je ne connaissais pas, je me suis contactée une fois rentrée pour regarder ce que c'était, je l'ai téléchargé, j'en pense rien, c'est la curiosité en quelque sorte. On m'a dit, oh, je ne suis pas là-dessus, on va voir. Donc finalement, c'est par rapport à notre fonctionnement social que nous paramétrons nos outils, nos technologies de l'information et de la communication. Je prends juste un exemple, comme vous êtes des étudiants respectueux et agréables, vous avez paramétré, comme nous, vos smartphones ou téléphones portables, puisque rien n'a sonné depuis que le cours a commencé. Or, ça peut sonner de 36 000 façons, dans plusieurs registres, ça peut vibrer, ça peut sonner, etc. Donc, c'est nous qui paramétrons, mais d'une manière assez conséquente, en fait, au-delà de notre inspiration, qui paramétrons nos outils. Nous téléchargeons des logiciels, des applications, nous décidons de les télécharger, ce n'est pas Apple, plutôt sur une machine ou sur une autre, ou de nous en servir sur un terminal ou sur un autre. Finalement, la technique et le social s'imbriquent dans nos actions. Je prends juste un exemple. Si vous voulez contacter quelqu'un que vous connaissez très bien, X moyens sont à notre disposition. Si c'est votre voisin, vous pouvez sortir à l'étage de sa porte, vous pouvez envoyer un SMS, vous pouvez envoyer un mail, vous pouvez lui mettre un petit papier sous sa porte. Vous pouvez skyper, vous pouvez téléphoner à quelqu'un en disant qui va lui dire que X possibilités techniques existent. Et c'est nous qui, par notre action sociale, allons décider de ce qu'on appelle le dispositif qu'on va utiliser pour le contacter. Ce dispositif, il est technique. Si on envoie un SMS, il est technique. Le SMS, ce n'est pas les signaux de fumée. On parle vers du feu, des signaux de fumée, c'est une technique, hein, ça en est une autre. Ou faire signe qu'on est là, c'est aussi une technique. Donc on choisit une technique, mais en fait cette technique n'a aucune importance pour nous. Ce qu'on veut, c'est joindre la personne, sauf que on a choisi la technique en fonction de la personne. Si vous savez que cette personne est au travail, ce sera un SMS et vous ne tenterez pas la peine. Vous savez quelque part de quoi, et vous savez que si jamais elle n'avait pas mis son téléphone à silencieux, ça pourrait poser. Donc nous adaptons le dispositif technique à un contexte social. Et après, ce fil du rasoir, c'est que selon l'instant T auquel on va prendre l'usager, il sera plutôt du côté du technique ou plutôt du côté du social. Quand moi je télécharge une application pour voir comment elle semble, etc., mais je suis du côté du technique, je ne m'en sers même pas, je veux voir ce que c'est. J'apprends à m'en servir, je teste. Donc pour tester, ben, je mets une photo pour mettre une photo, pour voir ce que ça donne que de mettre une photo. la technique qui me pousse à agir. Ça a peut-être un effet social, peut-être que d'autres sur cette plateforme verront ma photo, mais si par contre je poste une photo pour montrer que je suis à Bruxelles et pas à Lyon, c'est une dimension sociale qui est matérialisée par un acte. Et donc, qui que nous soyons, d'abord nous évoluons, donc c'est pour ça que c'est à l'instant T. Il y a des moments où, et il y a des moments où c'est technique, et il y a des moments où c'est social. Et puis pour revenir avec ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le rôle que nous avons décidé de jouer dans cette action qui va être déterminant. Si vous voulez montrer que vous avez compris comment ça marche et que vous êtes capable de vous en servir et que oui, vous vous en servez, votre rôle, c'est d'endosser une posture de déterminisme technique. Et si vous voulez endosser une posture d'acteur social, peu importe la technique, c'est peut-être là que vous choisirez tous les objets techniques que vous avez à votre disposition pour être présent de manière démultipliée et être actif de manière démultipliée. J'ai encore assisté hier soir à une scène de mon que j'adore, où une collègue de l'UCL téléphone à un collègue qui était dans un autre, envoie un SMS dans un collègue à un autre qui était dans un autre bâtiment. Il fallait qu'on parte pour part à une autre puisqu'on était à Mons. Ah, mais il ne répond pas, je vais lui téléphoner. Il n'a pas répondu au téléphone, et donc elle a appelé quelqu'un qui était dans le bureau en face pour aller dire à celui qui devait partir avec nous qu'il se dépêche et qu'il allait nous faire rater le train. Moyennant quoi, le destinataire avait compris le message à la réception du SMS, venait en courant, en se précipitant, comme c'est un Français, en se perdant, donc n'a pas pris le temps de répondre au téléphone, et n'était plus dans le bureau quand le voisin est venu le chercher. Je mettrai des noms après, hein, les individus. Et je leur ai dit, mais vous rendez compte de votre dispositif de communication, là. Donc, il y avait un déterminisme social très fort, c'est qu'on ne voulait pas rentrer tard à Bruxelles, et on voulait absolument avoir ce train-là. Et toutes les techniques ont été utilisées. Finalement, on est sorti, on a vu arriver, oh, il arrive. Voilà. Donc, c'est sans technique, finalement, qu'on s'est retrouvé. Donc c'est ça en fait maintenant le truc du rasoir, c'est que les industriels sont du côté du déterminisme technique. Nous, nous sommes forcément du côté du déterminisme social, ou du moins le croyons-nous, mais non, on est à l'interstice. Voilà, peut-être arrêter là. C'est parfait. Du coup, il est quasiment l'heure. Donc, je propose de finir sur cette enrichissante présentation. Merci de votre accueil.